la Ligue de hockey midget régional, ça a bien été, ben, ça a quand même été positif cette semaine pour les ambassadeurs. On en parle avec Michael Godreau. Salut, Michael. Un peu plus positif en fin de semaine avec Bonjour. une victoire d'abord et deux défaites, mais ça a été contre les Aiglons d'Alma, défaite de 4 à 0. Vous avez perdu 3 à 2, mais c'était en prolongation. Donc, quand on dit qu'on parle en prolongation, ça peut aller autant d'un bord comme de l'autre. Donc, ça a quand même été assez positif dans l'ensemble cette semaine. Ouais, c'est ça, vendredi contre les Castors. Ça a terminé 3-2 en prolongation. Il restait 37 secondes en prolongation. Avoir joué l'équipe des Castors, vu le résultat, je suis très, très, très satisfait. Castors, une super de bonne équipe, rapide, bien structurée, positionnement sur la patinoire quasi impeccable. Fait que nos joueurs, on avait eu des bons meetings pendant la semaine, des bonnes pratiques, puis Colin s'est répercuté dessus. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire là, dans une défaite comme ça, 3-2. À matin, je regardais le classement à POC, ils sont 12e, les ambassadeurs, là, les Castors. Donc, c'est vraiment une bonne équipe quand même. Et le lendemain, ben, ça a été un programme double. D'abord, dans le premier match, défaite de 4 à 0 par blanchage. Oui, premier match, ça n'a pas comme on était, je pense qu'on était un peu sur notre nuage encore de la veille, là. On avait laissé beaucoup d'émotions sur la patinoire, beaucoup de travail le vendredi soir, fait que je leur dis toute l'année, j'ai une jeune équipe, je les sens fragiles un peu ce côté-là, mais il va en arriver d'autres, des défaites comme ça, puis j'en suis bien conscient, puis faut juste reprendre okay. de Et ça, dans là, le match, c'était une victoire de 5 à 4. Oui. Ça a quand même bien été, là. C'est sûr que quand c'est des scores, des hauts scores comme ça, c'est pas toujours. C'est pas le fun pour un entraîneur, même si c'est une victoire, il y a certains points que j'ai plus ou moins aimé. Mais disons que la rondelle vire un petit peu plus pour nous autres, là. Il y a eu une couple de mauvais buts qui a été donnée par les Aiglons. Mais tu sais, comme dans l'année, des victoires comme ça, ben on va toutes les prendre. Ouais. Des fois, on perd, mais par contre, on a bien joué, puis des fois, on gagne pour des moins contents. Ça arrive, ça, hein? Ben c'est en plein ça. Surtout pas. Les joueurs, ils voient moins ça un peu, je crois, mais pour un entraîneur, comme la défaite de 3-2 de vendredi, c'est nettement plus agréable à recevoir que la victoire de 5 à 4 là, en soirée contre les Aiglons. Malgré tout que les Aiglons, on s'entend qu'ils vont être en haut du classement aussi cette année. Là. C'est quand même une très, très, très bonne équipe en n'ayant seulement qu'une équipe. Fait que je suis quand même content. Là, OK. En fin de semaine, à Chibougamau, vous affrontez les Marquis de Jonquière à deux reprises, les Marquis qui sont au cinquième rang de la Ligue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah, les Marquis, on a joué contre eux il y a 2 semaines. Ça s'est avéré une défaite, mais disons qu'on là, c'était dans notre première fin de semaine de hockey. Là. C'est l'équipe qu'on a là pas à comparer. Mais les Marquis, je crois qu'on ça, c'est une équipe qui nous ressemble. Fait que, okay. Ça devrait ben, être, on s'en reparle la semaine prochaine, Michael. Ouais, voilà l'instructeur-chef des ambassadeurs de Chicago, Michael Godreau.